13-8, activation orale. Pour parler d'un endroit. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez... 1. Mireille va au Pays Basque. Et vous répondez... Oui, elle y va. 2. Robert va en France. Oui, il y va. 3. Robert et Mireille vont au Luxembourg. Oui, ils y vont. 4. Et Marie-Laure, elle va aussi au Luxembourg? Oui, elle y va aussi. 5. Vous allez à Chartres, vous deux? Oui, nous y allons. 6. Les parents de Robert vont en Amérique latine? Oui, ils y vont. 7. Tu vas au cinéma quelquefois? Oui, j'y vais quelquefois. 8. Robert va aller chez les Courtois. Oui, il va y aller. 9. Mireille doit aller au musée de Chartres. Elle doit y aller. 10. Robert veut aller à Chartres aussi? Oui, il veut y aller aussi.